Les conducteurs de voitures et de motos dans la ville de Gitega font savoir qu'actuellement, ils achètent l'essence au marché noir où il coûte 5000 francs par litre et ils disent que pour l'avoir, ce n'est pas chose facile. Ceux qui vendent l'essence clandestinement font savoir qu'ils vont l'acheter aux stations de la commune Gatavo et que même là-bas, ce produit sera bientôt terminé. Comme le disent les habitants de la ville de Gitega, cette pénurie de l'essence va occasionner la hausse du prix des denrées alimentaires alors qu'actuellement, ils se trouvent dans une misère sans nom. Arthur Kababushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Les éleveurs de la province de Muyinga doivent s'habituer à la stabulation permanente pour éviter des conflits les opposant aux agriculteurs. Cet appel est lancé par le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage. Après des bagarres ayant éclaté entre les habitants des collines Kayenzi et Karongwe la semaine dernière au sujet de la gestion du marais séparant ces deux collines. Les détails avec Dieudonné Nzeimala. L'un des conflits d'actualité entre éleveurs et cultivateurs à Muyinga s'est transformé en litige opposant les habitants des collines Karongwe de la commune Winyuza et Kayenzi en commune Muyinga. Il y a une semaine, des jeunes pris pour des imbonerakulés du CNDD et FDD de Karongwe ont récupéré par force les vaches d'un éleveur de Kayenzi sous prétexte que le berger allait être dans les marais séparant les deux collines. Les jeunes de Kayenzi sont partis récupérer ces vaches et ont été sérieusement tabassés. Il a fallu des réunions de pacification entre les habitants des deux collines qui sont garder en chef de faïence. Roger Sinda Igaya, directeur provincial du secteur de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, affirme avoir eu écho de ce conflit qui a été résolu d'après lui. Pour éviter des conflits similaires, la stabilisation permanente est conseillée par ce directeur. À part des conflits au sujet de la gestion des marais, surtout en cette période de sécheresse, ce responsable indique que faire perdre les vaches dans les marais occasionne aussi des destructions des canaux d'irrigation des marais aménagés, menaçant ainsi des travaux d'intérêt général. Ces animaux courent aussi le risque de contamination des maladies, prévient le même directeur, invitant les éleveurs à garder leurs vaches en étable pour l'intérêt de tous. Dieudonné Nzeimana, Muyinga Radio Isanganiro. On termine ce tour de nos correspondants par Rumonge, où les représentants des pêcheurs aux différents plages de la pêche de la province Rumonge dénoncent ce qu'ils appellent l'inertie des instances judiciaires dans la lutte contre le vol des moteurs de bateaux de pêche. C'est après la libération de deux présumés bandits, une libération jugée irrégulière par les pêcheurs. Le gouverneur de Rumonge promet la réarrestation de ces personnes libérées irrégulièrement par la justice. Jean-Pierre Misako. Dans une réunion organisée par le gouverneur de Rumonge à la mi-journée de ce mardi à la plage de Magara en commune Bugarama, toutes les 8 plages de pêche que compte la province de Rumonge étaient représentées. Des représentants de pêcheurs qui se sont exprimés ont déclaré avec colère que la justice ne milite pas en leur faveur pour éradiquer le banditisme des moteurs dont sont victimes les pêcheurs burundais ces derniers jours. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, a cité pour illustration la libération à la prison centrale de Mbimba, d'un des 6 présumés bandits de moteur attrapés il y a un mois à Gatumba avec un moteur volé et le fusil dont il se servait. Notre cas est la libération par le parquet de Rumonge jeudi dernier des mécaniciens de moteur de Mvugo attrapés avec certaines des pièces des moteurs volés aux pêcheurs burundais pour, dit-on, fêter la fin du ramadan. Dans ces conditions, la situation risque de dégénérer et Gabriel Butoyi demande à la justice de se ressaisir. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, assisté du commissaire provincial de police de Rumonge et du commandant de la marine burundaise dans cette réunion, a déclaré qu'il va tout faire pour que les personnes libérées dans les conditions obscures soient réarrêtées. Il a mis en garde les pêcheurs que quiconque se fera justice sera puni conformément à la loi. Jean-Pierre Misago, depuis la plage de Magara, Radio Isanganiro. Et c'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Une bonne fête à tous les musulmans au micro. Jean Bosco, Ndouimana, un bon après-midi.